Bonsoir Tinia. Ouais, ça marche bien. On leur fait un peu plus fort. Bonsoir Tinia. Bon bah nickel, je crois qu'on va pouvoir attaquer direct. Pour ceux qui étaient venus l'année dernière, on n'avait pas le même nom, on cherchait un petit peu. On avait que 3 morceaux. Bah ça n'a pas changé, on a un petit peu plus de morceaux. Il y en a qui sont encore tout frais. On a trouvé notre nom, c'est Yamouai. Et puis voilà, ben on va attaquer par le remix. L'année dernière, on avait fini sur ce morceau, on va attaquer là-dessus. Ça s'appelle L'Étincelle. Ça a été composé par Yann, qui n'est pas là ce soir. Ouais, voilà. 1, 2, 1, 2. Voilà, et ben on attaque et puis on se retrouve tout de suite après. C'est sympa, si on a dit que si on n'avait pas d'applaudissements, on s'arrêtait tout de suite. Hein.